Rigoletto, comme la plume au vent, chanté par Afro de l'opéra, Di Sabga. Comme la plume au vent, à mes forages, et bien que sage, qui sillonne son, tout un élémentaire, tout est frivole, ces choses folles, que lui livrer son cœur, ça me parie, ça me parie, faut qu'il s'étire en ce l'instant. Comme la plume au vent, à mes forages, tu viens te sage, qui si honnêtement, trompé par leurs doux yeux, j'ai l'air d'y croire, pardonne ma gloire, à tromper encore mieux, à me parier, à me parier, oh qui si tire, en se lâchant. Oh,